Bonjour et bienvenue à présent à un enregistrement en compagnie de Berthold pour le 6 juin de l'année 2022. Vous pouvez voir présentement Berthold à l'écran et m'entendre en audio, donc ici David Lévesque. Donc bonjour Berthold, ça va bien? Oui, bonjour. Excellent. Donc aujourd'hui, comme à l'habitude, j'ai l'intention d'aborder différents sujets avec toi là, dans le cadre de cet enregistrement audio. Donc pour qu'il y ait une variété de sujets, d'où la raison là, pour laquelle je vais l'intituler « Enregistrement conscience ». J'avais notamment là, l'intention de l'amener à parler de sa vision de l'origine du cosmos, de l'univers. Donc, il y a différentes théories qui ont été présentées au fil du temps, à la fois créationniste, aussi au niveau de la science matérialiste avec le Big Bang. Donc, il y a plusieurs théories explicatives de l'univers, de son origine et qu'en est-il pour Berthold? Donc, ça va être un des sujets que je vais aborder. Aussi, je veux l'amener à commenter un peu qu'est-ce qui se passe dans l'actualité. Que ce soit la politique ici au Québec, la guerre qui se déroule présentement là, en Ukraine, en Europe de l'Est, et aussi potentiellement là, des questions plus d'ordre métaphysique ou en lien avec la conscience supramentale. Bref, différents sujets. Et comme j'ai fait plusieurs entrevues avec lui au fil du temps, bien les gens qui sont habitués de nous écouter le savent, on peut aller dans différentes directions en termes d'exploration, donc autant de la politique que de la métaphysique, que aborder des sujets en lien avec la physique, ensuite la zoologie. Il avait déjà fait des considérations sur les animaux, donc c'est très varié. Et c'est sûr qu'au fil du temps, ce qui fait que j'apprécie, entre autres, interviewer Berthold, qui est un YouTuber très prolifique, en ce sens qu'il a réalisé au fil du temps de nombreuses vidéos sur YouTube, dont vous allez avoir les coordonnées de la chaîne en bas de l'enregistrement présent, c'est le fait qu'il a l'audace d'aborder différents sujets. Parce que souvent, on va avoir, par exemple, un spécialiste dans le domaine de la politique, mais qui se prononcera pas par rapport à des questions métaphysiques, ou un économiste qui va parler naturellement de l'état des marchés boursiers, mais qui ne se prononcera pas sur des questions relatives à de la manipulation de masse. Donc, lui, il y a un discours vraiment varié sur une variété de sujets. Donc, d'où l'intérêt là, d'aborder sa vision du monde qui est quand même assez vaste et qui se déploie au fil des capsules audio qu'on réalise ensemble. Et je voulais mentionner aux gens qui apprécient, entre autres, Berthold, bon, que sa chaîne vidéo... qui a aussi une chaîne qui s'intitule Supramental de Berthold, dont vous allez pouvoir retrouver le lien en bas de l'enregistrement, qui regroupe des anciennes vidéos de Berthold qu'il a produit de 2017 à 2019, qui ne se retrouve pas sur sa chaîne actuelle, qui a été ouverte en 2021 et qui comporte seulement celles qui sont produites à partir de cette date. Donc, la chaîne Supramental Berthold comporte au-dessus de 450 extraits tirés des enregistrements de Berthold en solo ou également avec moi en entrevue. Donc, si celui qui s'en occupe nous écoute, eh bien, je le salue chaleureusement, étant donné tout le temps, toute l'énergie. Oups. Bon, tu le salues toi aussi? Bon, on est dû à le saluer, étant donné qu'il a fait un travail colossal au cours des derniers mois pour aller sélectionner les extraits les plus intéressants, les plus percutants là, qu'a fait Berthold tiré de ses différents enregistrements. Parce que Berthold peut faire un enregistrement de live qui va durer 2 heures et lui va aller chercher des segments qui peuvent durer 45 secondes, 2 minutes pour aller chercher des moments clés. Par rapport à ces enregistrements. Donc, ça permet de faire une synthèse, là, si on peut dire, là, des meilleurs moments se rapportant aux enregistrements de Berthold. Et c'est sûr que sinon, par rapport à Berthold, bon, vous pouvez retrouver de nombreuses entrevues que j'ai faites là, sur ma chaîne. Et les gens qui apprécient en particulier ma chaîne YouTube, eh bien, vous pouvez en fait écouter aussi, en plus de YouTube, sur, dans le fond,

à partir du 3 octobre 2022, les gens qui vont voter pour, qui vont le réélire vont recevoir de nouveau un chèque. Fait que là, moi, quand Oui. je regarde une opération comme ça, je trouve ça totalement grossier d'acheter des votes, là, comme l'a décrié les membres de l'opposition, là. Ben, acheter des votes, on sait que c'est ça, mais on n'a pas le droit de le dire de même. On peut dire que c'est une mesure électoraliste. Mais c'est parce qu'il infantilise la population. Ben là, c'était rendu au Parce que. stade où ce qu'explicitement tu dis, ben, on t'a donné 500 $, t'as aimé ton chèque, si t'en veux un autre, vote pour moi, puis tu vas en avoir un autre Ben, tu sais, chèque. Je vais te donner un anad. admettons que tu gagnes 90 000 piastres par année. Oui. T'as-tu besoin que le gouvernement te donne 500 piastres? Ben non. Qui est pris dans la poche de la majorité qui gagne pas ça. Tu Exactement. sais, je veux dire, c'est parce que d'autres mesures, comme il y a eu en Alberta pour la taxation de l'essence puis tout, je pense que dans le fond, ça y est revenu plus cher. Dans le fond, c'est une façon de nous fourrer par des petits bonbons, là. C'est comme un. Certains types de personnes, là, ils donnent des bonbons pour attirer, puis après ça, ben, le monde se fout. Bon. C'est la même affaire, là, je veux dire. Exactement. S'il est réélu, tu peux être sûr qu'après, on va y goûter, là. Ben, il reste à mettre, j'ai l'impression, de mettre en place des mesures de contrôle liées à la Ouais. menace du virus, probablement une autre vague C'est pour le l'automne 5, plus c'est grande. ça. Le 500 pièces avant puis après, c'est comme du lubrifiant, là. Moi, je le vois de même. Tu sais, c'est parce que c'est sûr que ça coûte moins cher que d'autres mesures qui Ben auraient pu oui, prendre si, tu pour sais, par contrer exemple, l'inflation. pour contrer l'inflation, il y aurait, comme le propose Éric Duhaime, dans le fond, annuler les taxes, sur l'essence. Mais ben là, c'est clair que ça apporterait une différence parce que là, ici, les gens en Europe nous comprennent, c'est que depuis 2 ans, on est en 2022, en 2020, le prix du baril en fait, le prix de Ben c'est l'essence à ça la qui pompe est fait que. passé du simple au double, d'un dollar à Ben deux oui. dollars. Là, on est rendu à 2,16 $. C'est complètement illogique. C'est ça qui fait que il y a de l'inflation, le prix du gaz, entre autres, parce que le transport, par exemple, de la nourriture, des fruits et légumes, puis ces choses-là, et ça revient plus cher. Puis au lieu d'enlever et de faire de la taxe, ils te donnent 500 piastres. Que, oublie ça, là, 500 piastres, t'as même pas de l'épicerie pour à cette heure pour 3 jours. Tu sais, c'est n'importe quoi, là, c'est rire du monde. Mais là, tu sais, c'est comme d'habitude. Le monde, tant qu'ils vont être épais, ils vont souffrir, c'est sûr. Il faut qu'ils passent par les douleurs de l'enfantement pour devenir, tu sais, engendrer de l'intelligence. Puis que le nouveau monde soit engendré. Ben là, tu sais, le monde, il reste que. Regarde les gens qui votent pour François Legault. Ils se rendent compte de rien, c'est des techniques de programmation. C'est ça, mais ce qui est particulier, c'est qu'après près de 2 ans de mise en place de lois liberticides qui vont à l'encontre des libertés au Québec comme jamais vu auparavant, dans les intentions de vote, au niveau des sondages, c'est toujours la CAQ de François Legault qui est en tête des Moi. palmarès. Ben, les sondages, ça dépend tout à fait qui est fait, les sondages que tu Non, non, c'est sûr qu'il peut avoir des biais, mais moi, j'ai l'impression qu'on se Moi. dirige un peu comme la France. Emmanuel Macron, pendant près de 2 ans, met en place les pires lois liberticides en France. Je salue les gens en Europe qui nous écoutent en passant. Puis là, il se fait réélire il y a à peine quelques semaines. J'ai dit, voyons donc, ça se peut pas. Ben. J'allais dire de quoi que je dirais pas, mais bon. Mais tu sais, il reste que, bon, on peut penser qu'il y a peut-être eu des irrégularités, on va le dire comme ça. Parce que c'est les mêmes firmes, hein, c'est les mêmes, des compagnies très privées, transnationales, c'est tout lié à les services américains. Ouais, je La comprends ce que tu CIA. veux en venir. Pour les gens qui lisent à travers les lignes, c'est qu'il y a eu également certaines irrégularités dans les dernières élections américaines par rapport au fait que Donald Trump n'a pas été élu. Ouais, mais pour ce qui est d'organiser ça à l'extérieur, comme en France, puis les firmes, comme certaines firmes privées, puis tout, c'est carrément lié à la CIA, puis les opérations américaines en Europe. Je veux dire, l'Union européenne, c'est les Américains, dans le fond, qui ont voulu ça, comme ils ont voulu la Société des Nations. Puis c'est tout certaines. C'est du monde. En tout cas, mais tu sais, c'est des familles, là. C'est du monde avec des noms de famille bien précis aux États-Unis qui sont amis avec du monde en Europe, puis ben, originaire de l'Europe, parce qu'on a affaire à du monde qui voyage, ils ont des propriétés un peu partout. Ils n'ont pas vraiment d'identité nationale tant que ça. Mais c'est juste de comprendre que tout ce qui se passe là, c'est un petit peu l'affaire. C'est à se demander si la Deuxième Guerre mondiale, c'était tout le monde a un certain projet pour l'avenir, puis la guerre, c'est à propos qui va le réaliser. Puis là, bon, la gang qui voulait réaliser ça, c'était un grand temps, tu sais, qui a commencé par l'Europe, puis qui était unifié, puis tout, puis eux, ils ont perdu la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, finalement, ceux qui vont le réaliser, c'est ceux qui ont financé les Alliés, entre autres, puis le débarquement américain, puis c'est eux autres qui vont réaliser ce projet-là qu'on pourrait qualifier de... Je sais pas comment qualifier ça Ben, sans. de projet mondialiste. Ouais, mais c'est parce que c'est une société purement. C'est une. En tout cas, tu sais, sans qu'on soit censuré, dire ce qui se cache derrière ça, quel genre de société ça va être, ça revient pas mal à ce que d'autres voulaient faire, là. Mais il reste que, finalement, c'est qui va le réaliser? Ben, tu sais, c'est comme les Allemands étaient en guerre contre l'Angleterre, entre autres. Puis finalement, ben, c'est les Américains, entre autres. Mais il y a aussi ceux qui ont un financé un peu comme était comme Davos. Puis donc, on le voit, là, c'est qui va le faire, là. Puis c'est pas lié à des pays tant que ça, là, à des identités nationales, au contraire. Puis c'est comme la grande l'Union européenne, ça avait été pensé en premier pas mal par les Allemands. Puis après, ben les Américains, c'est toute la façon qu'ils ont agi en Europe avec leur service à eux. Puis bon, je veux dire juste l'Ukraine, le Canada est très très très impliqué. Le Canada qui est un des alliés dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, un des vainqueurs. Puis ils sont très impliqués les opérations en Ukraine, notamment là, ils ont été formés pas mal par les Canadiens, l'armée à Zelensky. Puis bon, je veux dire, on se le cachera pas, on est dans ce camp-là qui on travaille à notre perte, là. Pas à peu près, là, je veux dire, on va se faire. Ouais. Puis là, tu as eu dernièrement, tu as le jubilé de la reine. C'est un peu l'entrée officielle, tant qu'à moi, du prince Charles, qui est un des architectes. Regarde comment chez les Windsor, les hommes souvent vont être intéressés par l'histoire de l'architecture. On nous le présente comme ça, mais c'est un double langage, ça, là. Ben, il est l'architecte de la société mondialisée, probablement, là, à un certain niveau, là, avec la gang du Forum économique mondial. Moi, ben c'est ça. C'est du monde. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler. J'allais dire de quoi, là, mais moi, tant qu'à moi, ça revient à de la réunion de malfaiteurs un peu. Ça, cette ambiance, là. Puis c'est sûr, jouer là-dedans, la continuité de tout ce qu'il y a eu avant. Puis c'est le développement logique de tout ça. Mais pour ce Mais qui est du là. Forum économique mondial, moi j'ai l'impression que sincèrement qu'il y a des gens qui sont impliqués à ce niveau-là, qui croient que c'est la seule issue pour l'humanité, c'est la seule façon de sauver Ah oui. l'humanité, c'est de mettre en place cet agenda-là. La survie de l'humanité en dépend, puis c'est pour pallier au manque de vision de nos États-nations, là. Ben ouais, mais ça a été voulu. Je veux dire, tous les échecs, comme, gars, là, penses-tu qu'au Canada, on a une dette comme ça parce que c'est par hasard, ça a été voulu, ça a été fait exprès. On est endetté Fait que d'un. là, t'es en train de dire qu'il y a un dessein intelligent derrière la dette. Ben, Ben là, j'ai vraiment jusqu'à dire c'est c'est carrément machiavélique, là. C'est un peu comme, regarde l'endettement des Américains, mais c'est voulu, ça. Tant qu'à moi, depuis longtemps, par les Donc, c'est pas Rockefeller, lié entre au autres. hasard, là. C'est parce que je Ben fais du non, pouce un peu sur le sujet qu'on j'ai abordait tantôt, tout le le temps. hasard versus le Ouais. dessin intelligent, là. Ah non, là, on parle même plus, on parle du. C'est plus le dessin, c'est plus Dieu, là, qu'on parle, c'est le diable, ça. C'est planétaire. Le prince de la Terre, c'est ça, c'est ces forces-là, entre autres, qui s'expriment à travers l'humain inconscient. Parce que c'est tout, c'est des programmes. Regarde, Klaus Schwab, là, il a beau se penser supérieur puis regarder toute la planète de haut. C'est un animal social avec des programmes, puis c'est les mêmes lois magnétiques, puis c'est les mêmes illusions que le reste, là. T'sais, c'est moi, à mes yeux, c'est tout le monde, c'est tous des singes. Je veux dire, c'est comme, t'sais, peu importe lequel, là, regarde le prince Charles. Tu regardes-les comme fou, là. Tu sais, c'est toute une lignée, ça. C'est parce qu'à un moment donné, c'est comme. Comment ils s'appellent, les. Quand ils ont saccagé le palais d'été puis qu'ils ont ramené des petits chiens en Angleterre, là, les Pékinois puis les Carlins, tu sais. C'est parce qu'avant, bon, c'était fait juste pour. Mais là, c'est parce que c'est des lignées trop peu, ça fait des. Bon, on est gouverné par des. C'est drôle, en même temps, les plus eugénistes de cette planète-là, on dirait que c'est les plus dégénérés. L'ironie C'est. du sort, ben c'est sûr que dans le Ouais. fond, quand il y a des mariages consanguins ou autres pour préserver le contrôle puis le pouvoir entre certains groupes d'influence, ben c'est sûr que ça va à l'encontre du principe de la force dans la diversité. Ben oui, mais là, c'est parce que là. Ça l'est, ça, dans le fond, ce qu'on pourrait appeler entre guillemets l'astral, parce que c'est purement circonstanciel, c'est lié à de la mémoire puis à de la linéarité d'accumulation. Tu sais, je veux dire, si on prend le prince Charles, d'après moi, s'il était venu au monde à Trois-Rivières, ben ça aurait été un nerd que personne n'y parle à l'école, puis qui s'en va, tu sais. Puis aujourd'hui, ben, il y aurait une compagnie informatique parce qu'il sait pas faire quoi faire d'autre. Des affaires, il réparait des ordinateurs ou je sais pas, là. Il est vieux pas mal, là, tu sais, pour un médecin de même, mais c'est pour donner un exemple, là. Mettons qu'il était venu au monde des années 70, là, à Trois-Rivières. Tu sais, c'est du monde de. Regarde, Bill Gates, quand on connaît l'histoire, le contexte qui fait qu'il est devenu ce qu'il a pu, qu'il a eu les possibilités de faire ce qu'il a fait. Ou tu regardes l'autre, là, Zuckerberg, on dirait bien que c'est un front Zuckerberg. Dans le fond, c'est la CIA qui a créé Facebook, à mes yeux. Puis lui, il sort de front. De toute façon, c'est eux autres qui ont créé Internet, pas mal, l'armée américaine, entre Ben autres. oui, Ben, le complexe ben. qu'on a appelé le complexe militaro-industriel. Mais c'était rien que l'embryon d'un organe de surveillance totale. Exactement. C'est pour ça que. L'affaire, s'il y a des lanceurs d'alerte aujourd'hui, ça va être un petit peu sur Internet parce que c'est le terrain qui a été choisi par l'adversaire, entre guillemets, si on peut dire. Mais il reste que, tu sais, moi, quand je le regarde avec un certain pas de recul, je reconnais les mêmes. C'est juste le contexte, là, il est rendu plus comme là avec la guerre en Ukraine. Les Américains, tu sais, je veux dire, les Américains, entre autres, puis le Canada, puis l'Angleterre, qui sont en train de faire une guerre par procuration en Ukraine, eux autres, ils vont encourager ça jusqu'aux derniers Ukrainiens. Ils s'en calissent des vies humaines. Moi, dès le début, je disais, il faut que Zelensky démissionne, déclencher des élections, puis des pourparlers pour refaire les accords de Minsk, puis ces affaires-là. Mais non, nous autres, là, ils tiennent mordicus, il faut à tout prix qu'ils aient dur, puis qu'il y ait le plus de morts possible. Mais ben non, mais eux autres vont Puis pas on dire reste de ça. mauvaise Il foi, puis il faut va dire, continuer. on est là pour les sauver, puis on va leur apporter un soutien Non, c'est eux autres qui militaire. financent cette Non, non, guerre-là, mais puis qui font qu'elle je continue, puis. sais, je fais un peu l'avocat du diable, mais en Ouais. passant, je voulais mentionner aux gens qui nous écoutent présentement que il y a plusieurs semaines, on a fait ensemble un enregistrement par rapport au déclenchement là, de la guerre en Ukraine. J'avais intitulé Vers la Troisième Guerre mondiale. Puis par rapport à tout ce que tu as dit là-dedans, je trouve ça très pertinent, puis encore aujourd'hui, parce que tu as vraiment dressé les grandes lignes de tout le scénario qu'on voit. Puis l'escalade que tu annonçais, bien, on la connaît. Je veux dire, les États-Unis, on a vu. Au début, c'était de l'équipement défensif. Là, c'est devenu de l'équipement offensif. Le Canada, même chose, la transition. Puis des dépenses folles, là, on parle d'au-dessus de 30 milliards de dollars qui ont Ben été non. dépensés par le Congrès américain pour financer, puis c'est pas fini. Ben non. Puis là, Poutine, il contrôle les régions qu'il voulait contrôler pas mal. T'sais, je veux dire, il est vers les phases finales de ce qu'il voulait faire au début. Fait que là, ils accepteront pas ça, là. Ben non, mais ben là, c'est ça, ils contrôlent la région du Donbass essentiellement au moment où on se parle, c'est-à-dire l'est de l'Ukraine, puis aussi le sud avec Mariupol, où ce qu'il y a un port.

que là, tu aurais un missile qui serait beaucoup plus puissant là, que celui qu'on dit, la bombe qui avait été utilisée à Nagasaki puis Hiroshima, là, plus. Bon. Mais des fois, je regarde ça puis je me dis, ça fait partie du show. Ça fait partie des affaires qui vont servir pour justifier ce qui s'en vient. Puis même, ils servent de ça pour justifier l'inflation. Puis moi, tant qu'à moi, c'est bien triste, mais les Ukrainiens sont tout en train de mourir absolument pour rien. Il n'y a aucune raison. Ah, je m'excuse, je pense que bon, il On y a entend la quelqu'un. tondeuse passer en arrière-plan, là. Il doit y avoir Ouais. un voisin qui passe la Mais en tout tondeuse, cas, mais. l'affaire, là, c'est un peu comme, tu sais, comme pour Donald Trump. Moi, je considérais qu'il faisait partie de. C'est pareil à mes yeux pour Poutine. Tu sais, lui, bon, il essaie de récupérer Mais son. il fait Oui, mais partie de tout, mais. quoi? Ben, pour moi, c'est un théâtre, là. Ben, disons qu'il y a des forces mondialistes derrière lui qui tirent les ficelles, puis Ouais. qu'on les voit pas dans les médias de masse parce qu'ils utilisent leur anonymat pour. Ben, ça sert l'agenda. Ben, c'est ça. Là, c'est un peu comme quand Trump, il avait décidé du bon, les États-Unis sortent de l'OMS. Là, je t'en maudis, ça va ouvrir la porte à du monde pour venir financer à la place des États-Unis. Tu sais, au moins, quand tu finances de quoi, tu as un mot à dire. Tu peux venir faire chier un peu, faire de l'obstruction. Mais non, il s'est retiré de l'OMS, puis là, c'est Bill Gates qui est rentré. T'sais. Moi, je vois pas ce qu'il y a de. C'est comme s'il a laissé à la place. C'est comme après, quand il est allé, il y a un médicament là, que je n'aimerais pas que M. Trump y a approuvé. J'étais tellement en colère. T'sais, il sort là. C'est pour ça que je te dis, moi, je suis pas d'un bord ni de l'autre. Pour moi, c'est tout du théâtre. Exactement, mais c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe par rapport à la guerre en Europe de l'Est, avec, ben, c'est-à-dire en Ukraine, là, l'opération militaire que parle Poutine, c'est-à-dire d'un côté, il engendre plein de migrants dans les pays d'Europe, d'Ukrainiens qui vont là en tant que réfugiés politiques. Fait que là, ça fragilise. Puis en même temps, dans quelques mois, il va probablement avoir une autre vague de migrants qui vont venir de l'Afrique et du Maghreb à cause que les gens en Afrique qui n'auront pas accès au blé, dans certains cas, ben, ils vont avoir des problèmes d'alimentation. Puis Ben pour oui. retrouver une vie meilleure, un peu comme on l'a connu il y a quelques années, ben, risque de déstabiliser toute la région des pays d'Europe en amenant une immigration, un flot d'immigrants massifs, là. C'est exactement, ça suit exactement ce qu'ils veulent, là, qu'il n'y ait plus de. C'est ce qui arrive après l'Europe, c'est l'Europe qui a plus d'identité vraiment Ben, ça tant fait que ça partie du nationale. grand remplacement. Ben là, ça, j'embarquerai pas dans ces affaires-là tant que ça, là. Parce que là, c'est sûr que, bon, c'est vu comme des affaires qui alimenteraient des fanatiques, OK. ça ferait qui auraient des tueries, ça serait à cause de ces théories-là. Mais, ben franchement, là, ben regarde par rapport à ça, là, ce qui est les tueries puis tout. Là, Trudeau, il vient de menacer de geler pour les armes de poing. Oui. Fait que là, les achats d'armes de poing explosent dans tout le pays, dont le marché noir en parallèle. Exactement. D'ailleurs, j'ai vu dans un bulletin de nouvelles de TVA qu'il y avait un vendeur d'armes qui dit que le meilleur promoteur des armes de poing, paradoxalement, c'est Trudeau, parce que suite à cette annonce-là, Ouais. ben, il s'est mis à vendre puis a tout écoulé son inventaire. Tu sais, on a affaire à des. C'est comme à un moment donné, j'avais dit, Trudeau, il est moins cave qu'il n'a l'air. Puis, tu sais, moi, je pense bien que c'est. Ils veulent du chaos, parce qu'avec le chaos, tu justifies l'ordre. Là, tu peux mettre l'ordre, ton ordre que tu veux. Exactement, il y a un principe qui parle de problème, réaction, solution ou C'est ça. ordo ab chaos. Comme là, ils veulent légaliser les drogues dures, la possession dans les provinces de l'Ouest, là. Ils savent que ça n'a pas d'allure. Regarde les guerres de l'opium, là, ou bien les les Japonais, dans le temps, là, l'État fantoche du Manchukuo, il s'arrangeait pour qu'il y ait l'opium en masse. Ça va pas aider, là. On le sait par l'histoire. Non, exactement. Ça risque d'être plus nuisible qu'utile. Ben, Puis c'est la quand qu'on fait légalisation ça? de la marijuana, c'était une forme de porte d'entrée vers Ben, ça. regarde c'est qui? Regarde toute la drogue qui rentre aux États-Unis. C'est les services américains qui rendaient ça possible. Regarde les soldats qu'il y a eu en Afghanistan qui, maintenant, ils allumaient. Ils disent, voyons, pourquoi je t'incite à surveiller un champ de fleurs? Pourquoi les États-Unis, ils ont... Les talibans se finançaient avec le pavot, puis quand ils ont rentré, les Américains, c'est la CIA qui a pris le relais. C'est surtout des... Ils se sont surtout financés, ils ont réussi à avoir des budgets discrétionnaires flottants, secrets, grâce à de la drogue. Là, est-ce que tous les services dans le monde, comme ben, tu sais, sont un peu pareils? Ben, je veux dire, c'est quand tu trouves les vannes à la drogue dans une population, c'est parce que tu veux plus la contrôler, tu veux créer un chaos, une misère sociale qui va rendre la gestion plus facile. Tu sais, il n'y a pas d'autre raison, là, si tu regardes historiquement. Ben, dans le scénario du meilleur des mondes, d'Aldous Huxley, tout le monde avait accès au soma, qui était une drogue que donnaient accès là, les autorités pour neutraliser l'esprit critique des gens, puis les amener dans une espèce de société du plaisir où ce que les gens n'ont plus l'esprit de contestation. Ben, dans THX, à un moment donné, le personnage principal, les autorités là, qui commencent à le repérer et à vouloir y courir après, c'est parce qu'il est en infraction de narcotique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris les médicaments que l'État il veut qu'il prenne. Je veux dire, il y a une caméra dans sa pharmacie, puis. Sais, là. Ben, ça pourrait être la même chose par rapport à certaines injections dont on n'aimera pas le nom, que les gens faudraient qu'ils prennent successivement, mettons, deux ou trois par année. Mais on donne pas plus de détails là-dessus. Ben ouais, ça va revenir tout ça, là, le monde, parce qu'il y a une petite accalmie, là. Oh, les complotistes, ils ont l'air fous. S'il n'y a rien de ce qu'ils disent, ce qui arrive, à chaque fois qu'il y a une petite accalmie, puis ça fait partie des techniques pour la psychologie de masse, eux autres, ils pensent que c'est fini. C'est comme si on leur remet le compteur à zéro. Ils ont une intelligence, ils ont une mémoire de quelques mois, là. Puis ça va revenir, puis ils vont encore embarquer. Oui, exactement. D'ailleurs, on dit que la mémoire d'un électeur, c'est d'environ de 6 mois. Puis curieusement, il y a eu une diminution des mesures 6 mois avant les élections du Québec qui sont prévues pour le 3 octobre 2022. Ouais. Ben, d'après moi, en plus, la mémoire de quelqu'un qui a peur, c'est encore plus court que 6 mois. Parce que tu mets dans un état de stress constant. C'est comme les sectes, là, quand ils faisaient du recrutement, puis ils empêchent le monde de manger, puis ils les gardent sous le stress, ils les empêchent de dormir. Oui. Puis là, après, ils leur donnent un petit peu le droit, ils ont des conférences pendant tant de temps, puis après, ils ont le droit de manger un petit peu, dormir un petit peu, puis ils se font réveiller pour des nouveaux exercices spirituels. Puis c'est des techniques, c'est tout connu. C'est un peu comme ce qui est arrivé au Japon, là, Shoko Asahara, là, à Aum Shunrikyo, qui ont fait les attentats dans le métro de Tokyo. Moi, depuis que je me rappelle quand c'était arrivé, ça, j'étais assez jeune, je regardais ça, puis j'ai toujours pensé que c'est lié à des services secrets étrangers qui ont y ont aidé, là. Possiblement, peut-être même russes. On le sait pas. Tu sais, c'est la guerre froide. Et tout, c'est des expériences. Toutes ces affaires-là, Ben, on ces est sur une sectes-là. planète expérimentale. Ouais, mais là, je parle des expériences au niveau d'instances planétaires. Ben, moi, Comme j'en parle des. aussi au niveau cosmique, dans le sens qu'il y a Ouais. certaines forces qui peuvent, de nature, qu'on va dire alienigènes ou autres, peuvent chercher à interférer avec les êtres humains sur Terre. Ben là, c'est pour ça que. Tout ce qui se passe vraiment dans l'actualité est filtré par. C'est pour ça que je reste tout le temps un petit peu. Dès que je vois des éléments qui. Puis ça, c'est pas être complotiste, ça n'a rien à voir. C'est juste parce que c'est tenir compte de l'histoire aussi. Si tu prends les services secrets américains, il y a eu les opérations Gladio en Italie. Ils se sont servis d'attentats terroristes qu'ils ont organisés pour après justifier des affaires. Puis c'est là que tu vois comment que les Américains sur le territoire européen, ils font ce qu'ils veulent. Dans le sens où ben ce qui est arrivé, est-ce que ça a fini par être déclassifié? Il y en a qui pensaient qu'en France, l'affaire de Pont-Saint-Esprit, que c'était de l'empoisonnement à l'ergot-de-seigle, c'est des expériences de la CIA avec du LSD sur la population, probable. T'sais, les Américains considèrent que, au niveau où je parle des services secrets, ils contrôlent pas mal l'Europe. Ça, c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale. Sans parler d'autres pays dans le monde, dont nous-mêmes au Canada, avec Montréal, les expériences du projet MK Ultra de la CIA qui Ben sont oui. documentées avec le psychiatre Cameron. C'est un hasard si on l'a su. Il y a quelqu'un qui passait d'une ruelle, puis il y avait des papiers dans des caisses qui avaient été jetées. Puis c'est ça que ça a été ça la pointe de l'iceberg qui a fait qu'ils ont toutes sortes sorties là. Mais il y a combien de choses qu'on sait pas? C'est ça, mais il y a quand même, ce dossier-là est documenté dans les médias officiels, dans le sens qu'une Ils n'ont excellente pas le vidéo que vous choix. pouvez retrouver sur YouTube, c'était soit une émission d'enjeu ou d'enquête de Radio-Canada, où des gens qui ont subi des sévices abominables au niveau de l'expérience du projet MK Ultra à des fins soi-disant de thérapie, ils font des recours collectifs. Un peu, ouais. Ouais, mais là, ça, c'est sans parler. Ça n'a pas commencé avec MK Ultra. De toute façon, ça, c'est un programme allemand qui a été repris par les Américains quand il y a eu Paperclip. Puis, ils ont fait, c'est comme le SRS, puis la CIA, puis ils travaillent tout ensemble, puis t'as tout. Il y a ça aussi des compagnies privées, puis des instituts, puis des ci, puis ça. Le Canada a tout le temps été pour les Alliés une place où ils ont fait des expériences, comme l'Australie aussi. Puis c'est certain que ces affaires-là, bon, il y a bien des choses que, même si tu demandes aux autorités en place, c'est quoi ça, telle affaire, ils peuvent te mentir légalement. Parce que c'est classé secret défense, certaines choses. Donc, ils ont. Fait que, mais ça, c'est des choses qui ont été rendues publiques parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais il y a tellement d'autres affaires, c'est pas su. C'est pas connu. Tu sais, c'est. Puis le Canada, il y a tout le temps eu des expérimentations. Il y a, tu sais, je veux dire, souvent c'est les Américains, mais là, avec le NORAD, puis tout, des fois, depuis ces accords-là, puis ces alliances-là, puis. Tu sais, c'est bien dommage, mais le Canada, puis, ben, c'est comme juste la guerre en ce moment qu'il y a en Ukraine. Au niveau des services secrets, des choses, on est très, très, très impliqués. Si Poutine, il déclare une guerre mondiale, puis qu'il décide d'abattre les principales têtes de cette bête-là, là, c'est le Canada va être attaqué. Ça va être une des cibles. Ben, c'est sûr que quand on regarde toute l'implication du Canada, un peu comme les États-Unis, mais c'est sûr qu'à notre échelle, là, nous autres, on dépensera pas 30 milliards là, en soutien d'armement, mais à notre échelle, on en donne beaucoup là, d'armement là, Ben à là, l'Ukraine, là. les États-Unis et le Canada sont en guerre contre la Russie en ce moment. C'est juste pas officiel. Je veux dire, ça revient au même. Si moi, je paye quelqu'un pour sacrer une volée à quelqu'un d'autre, Ben, tu sais. implicitement, c'est ça. Exactement. Puis, dans le fond, ça me fait penser un petit peu à la situation qui avait cours lors de la guerre froide, où les superpuissances, États-Unis, également Russie, via des pays interposés, si on pense entre autres à l'Afghanistan, où la Russie cherchait à envahir l'Afghanistan, puis en même temps, il y avait les Américains, mais indirectement supportaient les talibans. Ben, c'est un petit peu le même principe qui s'opère ici, j'ai l'impression. Moi, c'est des guerres par procuration. Exactement. Puis la façon qu'y agissent les Américains, puis même, je dirais, l'OTAN, puis les alliés en général, ben, je veux dire, ils vont financer ça jusqu'au dernier Ukrainien, s'il faut. Ils s'en foutent. Ils n'en ont rien à faire du monde. C'est pour eux autres, là, c'est c'est comme des objets. C'est comme du bétail, c'est comme des. Mais en Ils même temps, quand sont. tu regardes qu'est-ce qui se passe dans les médias, là, on fait de la vue de fond pour les Ukrainiens, pour qu'ils aient accès à de la nourriture, des biens. Puis quand on va aux stations-service, j'ai été récemment à une station-service, puis il y avait sur un écran une image, voulez-vous faire un don pour les gens en Ukraine? Les populations, c'est un peu comme. On est invité, entre autres, à la financer, cette guerre-là, d'une certaine façon. Il n'est pas dit que ton don va aller à aider des réfugiés. Si on regarde l'histoire de l'Europe, là, les Allemands, les Britanniques, c'est des. Se sont souvent montrés profondément méprisants puis racistes envers les Slaves. Puis, il n'y a pas une empathie si extraordinaire que ça. L'homme, c'est un jeu d'hypocrite. Le monde, ils savent au fond que cette guerre-là, c'est une guerre par procuration, puis que c'est une chicane entre les Américains, puis en apparence, en tout cas, là, c'est ça qui sort de prétexte entre les Russes puis les Américains. Puis c'est les Ukrainiens qui sont en train de mourir. Puis même, il y a des mercenaires d'ailleurs, entre autres de Tchétchénie, puis. Non, c'est. Dans le fond, ils ont organisé militairement le démantèlement de l'Ukraine. Je le vois un peu de même. Ils vont tester différentes façons hein, de détruire des nations, d'asservir des nations. Ça, c'est une des façons. Exactement. Par de la corruption, par. Là, quand tu regardes Mélanie Joly, elle s'habille en bleu avec la veste bleue, le pantalon bleu et le gilet jaune aux couleurs de l'Ukraine pour aller parler, par exemple, avec un délégué politique ukrainien. C'est pas le pire, c'est que quelques mois avant que la guerre contre l'Ukraine se déclenche, je m'emmagasinais du linge. OK. Puis à un moment donné, ça m'a dit tu devrais te prendre un gilet jaune, un t-shirt jaune, puis prends avec une chemise bleue laitier, tu sais, comme. Puis là, c'est vrai que ça va bien ensemble. Puis là, ça me dit oh, ça va être beau, tu sais. Ça va être à la mode. C'est moi. Puis finalement, je me suis acheté. Pendant des mois, j'ai porté ça, je pense, de l'hiver jusqu'à que je les mettais ensemble, le gilet jaune avec la chemise bleue par-dessus. Puis dès que la guerre avec l'Ukraine s'est déclenchée, j'ai arrêté de faire ça. Là, j'ai arrêté de les mettre ensemble. Mais toutes les fois où ce que j'ai une vidéo, ce que j'ai, c'est carrément les couleurs de l'Ukraine, là, puis je les porte même de la même façon que la jolie, là, avait un gilet en dessous, puis il y avait un par-dessus bleu. Oui. Une chemise, puis elle, c'est un tailleur, là, mais à chaque fois, j'ai toutes ces vidéos-là, c'était avant la guerre en Ukraine, parce que dès que ça a commencé, j'ai arrêté de mettre ça ensemble. C'est ça, parce que ça, c'est devenu des vêtements ayant une fonction politique, Ben oui, c'est c'est-à-dire comme qui si tu donnent un prenais position, pour mais c'est l'Ukraine, quand c'est même ça. bizarre, parce que c'est des couleurs que j'achète pas, mais avant que je mettais pas. Puis là, tout d'un coup, ça m'a pogné, un Mais tu as peu avant peut-être une que. précognition à l'avance de quelles seraient les couleurs qui seraient à mode et Ben tendances. oui. Ben souvent, il va me venir genre, là tout d'un coup, je pense à un film que j'ai vu dans le temps, puis là, j'arrête pas d'y repenser, puis là, je repense à ce film-là, puis là, je voyais pourquoi je pense tout le temps à ça, puis je le sais pas. Puis après, je vois à la télévision ou sur Internet qu'il était en train de faire un remake. Mais ça, c'est lié à des phénomènes qui fait qu'on baigne dans du télépathique, là. Il y a l'âme collective pareil, puis. Au niveau aussi de la planète, là, le fait que, en tout cas, ça a des conséquences là, qui influencent les pensées. Mais, en tout cas, finalement, quand c'est arrivé, ça, j'ai arrêté de m'habiller de même. Mais c'est un peu ridicule. Je veux dire, il y a des gens qui portent les couleurs de l'Ukraine sans appui. Soit ils sont hypocrites, soit ils comprennent pas ce qui se passe. Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment pour le peuple ukrainien. Il veut pas que ça continue, cette guerre-là. Puis aussi, si on comprend les accords qui ont été rompus, puis l'histoire aussi des accords qu'il y a eu par rapport à cette région-là, on peut pas être pour que, parce que l'OTAN s'entête, et une mauvaise foi, que toute la population est en train de. C'est la population qui en souffre, puis c'est tout le temps comme ça. C'est comme l'affaire de faire des sanctions à la Russie. ça a détruit l'économie de l'Europe puis de tout le monde, là. Puis le rouble, lui, il prend de la valeur. C'est à chaque fois, c'est un peu comme Justin Trudeau qui veut geler les achats d'armes de poing, fait que les ventes explosent. C'est de la bonne, tu sais, à l'apparence de bonne volonté, puis finalement, c'est tout le temps un chaos ou un fiasco ou un échec qui va servir, dans le fond, un agenda plus par en dessous, là. Le contrôle social, exactement. Ben là, ça accélère la destruction de l'économie, puis ça fait que ça fait l'affaire, le Forum économique mondial. Qui va pouvoir justifier dans quelque temps la mise en place plus grande de leur agenda dans les différents pays dont ils ont des membres infiltrés. Puis, tu sais, je veux dire, t'as vu à Davos, les gens, ils parlent ouvertement de ce qu'ils vont faire, puis il n'y a rien là. Mais c'est tellement incroyable ce qu'ils disent que le monde s'en fout. C'est comme, c'est tellement surréaliste que j'en parle pas aux nouvelles. Il n'y a personne qui se scandalise. Puis, pourtant, je veux dire, ouvertement, là, c'est comme, ils savent que ça va tuer du monde, ils savent qu'il va avoir des conséquences. Or, c'est nécessaire. Fait qu'eux autres, c'est un peu comme. Ils sont en train de provoquer un accouchement selon des lois dont ils n'ont aucune idée. Parce que ça, toute cette souffrance-là, ça va engendrer de la conscience. Ben, c'est C'est ça pas le choix. la particularité. Ça, en fait, ce que certains vont dire, ben, c'est que cette souffrance-là va engendrer le monde nouveau qu'eux-mêmes n'avaient pas prévu. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours un délai. Parce que là, bon, pour intégrer l'expérimental, t'as l'expérimental, là, t'as une phase de C'est souffrance ça, mais le délai de expérimentale. téléversement de leur programme qui se sont fixés, c'est Agenda 2030, donc 2030. Là. On est en 2022, il reste à peu près 8 ans pour télécharger là, toutes les mesures de contrôle social là, liées. Ben là, il est minuit moins une. Parce que ça va être au pouvoir 7 ans. Autour de 7 ans, cette affaire-là. Avant, selon des lois naturelles, à un moment donné, ça va tomber. Puis le vrai, vrai monde nouveau, il va venir après qu'eux autres ont perdu leur affaire. Mais ça va être au pouvoir autour de 7 ans, cette histoire-là. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça? Tu peux pas empêcher ça. Ce que tu peux, c'est t'arranger pour être capable de résister le temps que ça dure. Puis survivre le temps que ça dure, parce qu'à un moment donné, ça va tomber net, t'sais, tout seul. Mais il reste que on s'en va vers ça, là. C'est pas fini, les pandémies, là. Ils ont toutes sortes d'affaires. Ça commence. Exactement. Et même la possibilité qu'il y ait une guerre bactériologique, voire virologique, qui soit menée par la Russie, qui ferait que, curieusement, tout d'un coup, ah, on entend parler qu'un virus lié au 5G un peu partout, que des éclosions du jour au lendemain dans plusieurs pays. Ben là, on voit qu'on est dans un temps où on était induit, dans le sens qu'on nous a induit à un état second collectif. On le voit comment, ça? Ben, les gens sont, le stress, le niveau de stress, comme tu disais, la mémoire d'un lecteur, c'est à peu près 6 mois, mais là, c'est quelques semaines. Parce que là, on voit les politiciens dire des choses aberrantes, puis au niveau du collectif, la majorité, même quand à peu près 3 semaines après, on constate que c'était aberrant d'une façon empirique parce qu'on voit que c'était complètement stupide et faux. Les gens, ils vont pas revenir dire c'est un politicien-là, il nous mentait. Tout le monde oublie à mesure. Puis ils vont se mettre à les défendre parce qu'ils sont dans un état de survie lié à de la peur. Puis ils vont dire, ouais, mais tu sais, tout le monde peut se tromper. Après tout, Legault, il a sauvé le Québec. Il y en a qui pensent ça. Bien, pour des raisons de survie aussi, les journalistes ne peuvent pas être objectifs. S'ils sont financés massivement par le gouvernement, Ouais, mais ils ne même là, montreront pas la main qui les nourrisse. il y a d'autres mécanismes encore plus subtils, c'est-à-dire que ça marche avec le public. Donc, le public lui-même est dans un déni qui est induit par un état de stress puis de crainte qui est induit par des techniques de psychologie de masse. Mais c'est comme un peu avant cet hiver, Christian Dubé, il faisait sa conférence de presse puis il disait. Cet hiver-là, si vous n'êtes pas inoculé, vous allez être malade. Puis ça va être un hiver de maladie et de mort. Il a carrément dit ça. Moi, j'ai vu juste encore des menaces. Tu sais, c'est une façon subtile de menacer, d'intimider le monde puis de faire pression. Mais moi, je n'ai pas été malade, là. Je suis pas mort. C'était une promesse de politicien encore qui n'a pas tenu, tu sais. Mais à un moment donné, il n'est pas juste au niveau local, il est au niveau mondial. Ils ont toutes sortes de International, ils ont bébelles. des techniques de conditionnement. Mais en tout cas, ce qui se passe, puis je trouve ça curieux, c'est que simultanément, sur plusieurs continents, là, pas juste deux, trois endroits dans le monde, on entend parler d'un mystérieux virus lié aux singes. Ah, oh, le monkeypox, bon. C'était dans... Enfin, ça tue qui, ça, là? C'est drôle, hein? C'est en Occident que ça apparaît où il n'y a pas de singes. Puis pourtant, ça n'a pas l'air de fluctuer trop dans les places où il y en a d'habitude. C'est une sorte de... Puis c'est drôle, c'est du monde dans des aéroports, les premiers cas, au Québec. C'était toute la communauté gay, les premiers, là. Puis dans des aéroports. En même temps que en France, il y a des attentats bizarres dans des clubs de nuit, du monde qui se fait avec des seringues, là, qu'il arrive quelqu'un qui t'injecte de quoi à ton insu. C'est-tu des agents, sais, comme l'affaire, là, pourquoi que c'est du monde spécifique comme ça dans des aéroports, les premiers cas qu'on a eu au Québec, peut-être parce qu'il y a eu une opération par des agents pour Ben, répandre. c'est ça, là, parce qu'il y en a qui peuvent parler un peu comme il y a eu cours là, par rapport au virus du VIH-Sida dans les années 80, que les homosexuels auraient été ciblés pour être stigmatisés Ouais. Il y socialement. a des affaires bizarres par rapport à ça qu'on pourrait lier à, dans le temps, le Congo belge. Puis ce qui restait de ça, là. Mais surtout, c'est spécial. C'est toutes des choses. Mais tu sais, même si on se met à dire, ben oui, mais là, il y a des éléments qui tendent à démontrer c'est lié à des possibles armes. On va dire, ils ont le droit de te mentir puis dire non, vous vous trompez totalement, c'est de la désinformation, blablabla. Pourquoi? Parce que tout ce que l'État a sur ces choses-là en tant qu'information, c'est secret défense. Sais, puis on a signé des affaires, des protocoles internationaux par rapport à l'information, entre autres. Puis regarde, là, l'OMS, là, est en train d'acquérir une autorité. Qui va venir abolir comment je pourrais dire, l'autorité nationale en matière de santé pour les signataires. Ben, quoi que là, la bonne nouvelle par rapport à ça que j'ai entendu, c'est que la plupart des pays n'ont pas signé pour, comme de quoi qu'ils acceptaient ça. Mais là, ils se donnent à peu près 6 mois pour essayer de les convaincre. Oui, ah ouais, attends, bon, inquiète-toi pas, il va avoir un contexte pour te C'est ça. convaincre. Probablement à l'automne, il va y avoir une augmentation d'un nombre de cas d'un certain virus qu'on nommera Ouais. pas ici, qui va peut-être amener un consentement social plus grand à signer ce type de traité-là. Ben, à un moment donné, j'ai eu une info comme quoi qu'il allait avoir un autre variant, qu'il allait avoir un nom de lettre grecque. Puis que rendu là, de le prendre au sérieux. Ben, ça va être une vraie... quelque chose de vraiment dangereux. Mais, tu sais, c'est comme ces affaires-là, je le sais si c'est vrai ou pas à mesure où ça arrive ou pas. Mais, c'était bien significatif. Puis, en tout cas, je m'en souviens encore comme... Mais je le sais que à un moment donné, ils vont lâcher le vrai stock, là. En tout cas, je veux dire, ils ont toutes sortes d'affaires, c'est comme le monkeypox, c'est pas grand-chose, ça. Ils ont la vraie. Ils ont encore la vraie variole. Celle Exact. qui est vraiment pas le fun, là, est moins comique. De toute façon, ça ressemble à. Au niveau de la symptomatologie, ça pourrait être un symptôme d'autre chose. Faudrait, c'est là, est-ce que ça a vraiment été, ils ont pris, parce que c'est des petites pustules qui a des écoulements, là. Faut que tu prennes l'espèce de pus puis que tu t'isoles pour voir si c'est vraiment ce virus-là. Parce que ça se présente sous la forme de tout ce qui est dans la famille de la variole, là, comme la varicelle puis l'herpès, toutes dans la même famille. Ben, c'est parce que des affaires qui vont donner des symptômes qui ressemblent à ça, il y en a d'autres. Je veux dire, parce que je regardais des photos à un moment donné de ce qu'ils appellent le monkeypox, puis il y a de ces photos-là qui n'avaient pas de purulence, des boutons. Pourtant, on voyait qu'il y avait une réaction cutanée, mais ça avait pas je trouvais que ça ressemblait pas à, ça ressemblait plus à une réaction comme quand tu t'intoxiques à quelque chose puis que tu as une réaction cutanée. Il y en a des fois ça va faire une réaction, ça fait plein de petites bosses là. Ça apparaît sur les mains, entre autres. Il y avait une des photos, c'était quelqu'un qui montre ses mains, puis je trouvais que ça ressemblait Ben moi-même, à j'ai autre déjà eu chose. une réaction cutanée parce que j'avais pris de la vancomycine à l'hôpital, puis mon corps avait réagi, puis j'avais comme des plaques rouges qui étaient apparues. C'est-tu un antibiotique, ça? Oui, exact. Fait que là, Ouais. j'étais allergique par rapport à ça, puis bon, j'en ai pas repris, puis après ça, c'est tout est revenu dans l'ordre quelques temps après. Ouais. Ben, tu sais, on est dans une logique au niveau de la médecine maintenant qu'on a en Occident, dans les endroits où le gouvernement s'implique beaucoup, notamment dans ce qui est les médicaments, le commerce des médicaments, autant qu'il s'implique dans ce qui est ce qui est dans le même genre de. Dans le même domaine, je dirais un peu, là, c'est-à-dire les gouvernements vont avoir aussi un contrôle sur l'alcool, le tabac, ces choses-là. Les armes à feu, mais tous les pays où ce qu'il y a comme ici au Québec, on a l'assurance médicaments, hein, des choses comme ça. Tous les pays où ce qu'il y a des lobbyistes liés aux pharmaceutiques, où c'est beaucoup impliqué, comme justement comme l'Occident, les États-Unis, le Canada, puis c'est une médecine qui fait que ça tourne en rond. C'est-à-dire, on va te soigner de façon à ce que. J'ai fait attention là, à ce que je dis, là, mais disons que la façon qu'on te soigne, ça va faire en sorte qu'on va encore refaire possiblement. Il y a quelqu'un quelque part qui va encore faire de l'argent avec toi après, puis. C'est comme. J'ai rien contre les antibiotiques, ça peut être indiqué, mais des fois, il y a possiblement. Regarde là, tous les enfants qui viennent au monde immunosupprimés ou allergiques à tout. Puis c'est ça que ça engendre en Occident. Puis c'est comme leur monkeypox, c'est surtout apparu dans des pays occidentaux, là. Je veux dire, avant, c'était. Il y a l'Afrique. Ben ouais, on n'est pas dans le climat qu'il y a ces choses-là ici. C'est comme à un moment donné, c'est quoi? On va pogner la malaria dans les Laurentides? Tu sais, là, c'est comme là, j'ai l'impression qu'ils ont relâché des moustiques. J'ai cette impression-là. L'été passé, on n'en a pas eu quasiment. Puis c'était humide, même pareil. Je veux dire, il y a eu de l'humidité. Puis là, aussi, je recommence. J'ai pas vu de pollinisateurs non plus l'été passé. Je trouvais ça inquiétant. Cette année, genre, je commence à en revoir. Il y en a pas mal. J'ai mon petit jardin, là, puis il vient des petites abeilles. Des petits bourdons, puis si je vois que c'est des pollinisateurs sauvages, là, ils viennent pas des apiculteurs. Mais il y a des moustiques, il y en a pas mal. Puis je sais pas, je pense que c'est M. Gates encore qui avait fait des projets par rapport aux moustiques, là, qui ont fait, il a financé des choses, puis même Fauci et tout, là, il faisait manger la face de des petits chiens à des moustiques, ou je sais plus trop. Je sais pas, mais là, je trouve qu'il y en a anormalement beaucoup cette année. J'ai de la misère à sarcler dans mon jardin. Je me fais piquer les mains. Puis dès que je bouge un peu de la végétation, il en ressort. Puis j'en ai jamais vu autant. Fait que c'est-tu des moustiques qui ont été d'élevage, si on peut dire? Parce que le meilleur moyen de répandre des nouveaux agents pathogènes, la meilleure façon, c'est vraiment par les moustiques. C'est ce que je préconiserais, moi. Tu regardes, quand les Américains, là, ils ont débarqué en Mandchourie, là, puis qu'ils ont saisi tous les travaux des Japonais sur les puces, les moustiques, comment transmettre des maladies, puis ils ont continué, là, d'après moi, ils ont continué les expériences. Aujourd'hui, ça doit être bien plus poussé. Fait que c'est. Moi, j'opterais pour des moustiques. Mais là, tu sais, c'est de la spéculation, là. Pas besoin d'avoir peur, là. Mais quand même, il reste que. Je commence à jouer là-dedans pas mal, là. Quand ben même tu iras au gouvernement, puis loi d'accès à l'information, y a-tu des expériences sur des microparticules pour le climat au Canada, blablabla? Possiblement que c'est classé. Fait que Secret t'auras pas là. défense. C'est ça. Fait que c'est pareil pour toutes. Exactement, mais c'est sûr que c'est insidieux par rapport aux moustiques ou les insectes, parce que là, on peut dire, ah, c'est des causes naturelles, hein? Vous savez, les changements climatiques, les migrations des Oui. insectes vont plus dans le nord, c'est plus chaud. Fait que, écoutez, On peut trouver une façon d'amener ça ou de camoufler ça. Mais moi, ce qui me préoccupe en lien avec la guerre en Ukraine, c'est le fait qu'il y aurait des laboratoires, notamment au niveau virologique ou bactériologique, qui Ben s'y oui. trouvent, que les forces occidentales auraient utilisé. Puis en dessous d'Azovstal, qui est l'endroit qui a été assiégé par les forces russes par rapport à ce complexe industriel, il y aurait eu apparemment, selon certaines personnes sur le web, des expérimentations qui auraient été faites dans les sous-sols au niveau génétique, là. Ben, quand on connaît l'histoire, notamment des guerres, puis les recherches, tout ce qui est parallèle, là, surtout depuis le début du 20e siècle, on le sait. C'est sûr, sûr, sûr qu'il y a des choses de cet ordre-là. Ça ne peut pas faire autrement. Puis les nations, ils signent des conventions, mais c'est des entités transnationales qui vont assumer ces recherches-là. C'est comme, admettons que, je sais pas, les lois de ton pays t'interdisent d'interroger sous la torture quelqu'un, ben t'as rien qu'à le faire interroger en dehors du pays. Ben, comme on a vu que les Américains, ils ont été à Cuba, à Guantanamo, sur leur Ben base, oui. puis ils peuvent faire des simulations de noyade, puis il n'y a aucun problème. Même. Il paraît, ils ont même des. En tout cas, ils sont pas mal équipés. Puis, c'est pareil pour si je veux faire de la recherche que mon gouvernement a signé que je touche pas à ça, ben j'ai rien qu'à financer un laboratoire privé en dehors, dans un autre pays. Fait que possiblement qu'un paquet de travaux de recherche c'est financé à travers les réseaux bancaires de la CIA, puis ils viennent à bout de financer des compagnies privées qui sont à contrat pour faire des expérimentations qu'ils peuvent pas faire sur le territoire américain. De toute façon, ça, c'est au niveau d'affaires que, bon, des budgets déclarés, puis parce que de toute façon, ils en font des expérimentations interdites sur leur territoire. C'est pas dur, là. De la façon que c'est fait, les lois, là, si tu descends tant d'étages en dessous de la terre, là, ou bien tu montes tant de pieds dans les airs, là, il paraît qu'ils ont des avions pour torturer le monde. Tu sais, c'est, ou bien tu t'en vas, tu pognes un bateau, tu t'en vas un petit peu plus loin, là, dans les eaux internationales. Tu sais, c'est des amancheurs de même. Puis même là, ça, c'est pour respecter des lois qu'ils respectent à moitié. Fait que, On n'a pas ben besoin de chercher franchement. longtemps, on a juste regardé ce qui s'est passé avec la base de Guantanamo à Cuba pendant toutes les... Ben, tous les résultats des expériments, parce que c'est dans un des domaines comme ça. Même ce que tu appliques, c'est aussi expérimental parce que tu vas ramasser ce que tu as appris après comme des données, puis tu vas affiner tes techniques. Ce qui était fait à Guantanamo de suppression sensorielle, entre autres, là, ils mettaient des mitaines, ils leur mettaient des cagoules, cette espèce de harcèlement répétitif qu'ils subissaient, puis tout, ils ont récupéré ce qu'ils savent de ces techniques-là, puis après, ils l'ont appliqué à la population. Ben oui, des techniques de privation sensorielle qui Ouais. déstabilisent les gens, qui neutralisent la puissance de leur ego. Ben oui. Puis là, tu Les. les prives en les isolant chez eux massivement, avec des Ben oui, ils n'ont confinements. plus le droit de voir leurs proches. Les grands-parents ont peur de leurs petits-enfants. Ils installent la paranoïa, comme les techniques comme on voit dans les prisons. Puis finalement, c'est de la torture. Je veux dire, il s'est rendu. C'est pour ça, c'est extrêmement dangereux. Ce que les États, tu les laisses faire à des prisonniers, ouais, et ils vont finir par le faire à la population. Ce qu'ils apprennent là, dans temps de guerre, puis tout, après, ça sert à contrôler les gens ordinaires. Tu sais, puis là, toutes ces techniques-là, moi, je trouve ils ont retourné ça par rapport aux populations. C'est de la torture. C'est de la programmation mentale. T'sais, il y avait des gens âgés qui avaient peur de leurs petits-enfants, puis qui restaient enfermés chez eux, puis qui n'osaient même pas sortir dehors. Là, ça, c'est. Ah, mais, puis ça, c'est un état voulu, induit. Puis ça, c'est vraiment, là. Puis en plus, là, les décennies avant, tous les films qu'ils ont fait pour faire peur au monde. Tous les films qui tournaient autour de des affaires de même, puis ça vient tout le temps de. Ben, il y a une solide programmation qui a été faite par Hollywood par rapport à la menace de virus dans les années précédentes, ce que certains appellent la pandémie là, en 2020. Mais il y a eu tout un bagage de conditionnement social derrière ça. Puis c'est sûr que quand on regarde toute la torture psychologique qui peut être faite, là, en s'appuyant justement sur des cas de torture réels dans le passé, ben on voit toute la dérive que ça peut prendre, là, ces travaux-là. Ben oui, mais c'est que les gens sont naïfs. Les gens sont naïfs. Puis c'est de plus en plus, on va vers des systèmes où les écoles, c'est l'État. C'est l'État qui décide des programmes. Il n'y a plus des écoles privées indépendantes comme il y a déjà eu. Tu peux plus aller te faire former vraiment d'une façon indépendante. Ça va être la même propagande partout. C'est plus on s'en va. C'est un peu comme, regarde ce qui se passe aux États-Unis. Là, ils veulent. Ils veulent jouer dans les statues du vivant, puis là, il y a aussi, ils veulent, comme on dirait qu'ils veulent contourner le deuxième amendement, puis tout ça, c'est extrêmement dangereux. Si les États-Unis, à la base, les gens avaient le droit d'avoir des armes, puis de porter des armes, puis que les citoyens avaient le droit de s'armer, c'était pour éviter des tyrannies. Comme après la guerre d'indépendance, ils ont fait une propagande comme quoi il fallait entrer en guerre contre la guerre d'indépendance parce que le roi d'Angleterre, c'était de la tyrannie, c'était un tyran. Ben oui, fait que là, ils ont fait une première république du genre où c'est vraiment la population a un pouvoir énorme parce qu'elle a le droit d'être armée, même d'avoir des milices pour empêcher qu'une tyrannie s'installe. Mais c'est juste qu'à ce niveau-là, la manipulation devient juste plus subtile. C'est tout. C'est au lieu de contrôler les corps, là, tu contrôles les corps par les esprits. Fait que tu t'en fous que ta population en soit armée si tu contrôles son esprit. Mais là, il reste que sur une grosse population, tu vas tout le temps avoir un 15-20% de monde qui, eux autres, ça marche pas trop la programmation. Ça marche pas tant que ça. Puis eux autres sont comme plus agressif, un petit peu plus résistant. Fait que tu vas vouloir désarmer tout le monde pour désarmer eux autres. Parce que tu peux pas contrôler leur esprit. Fait qu'il faut que tu contrôles les corps, eux autres, cette minorité-là. Puis là, tu te sers du principe d'altérité, c'est-à-dire que tu vas militariser non seulement ta police, mais aussi ta population. On voit ça dans tous les régimes qui se durcissent, les gens vont être appelés à être conditionné à dénoncer à dénoncer les gens qui se conforment pas. Fait que là, on l'a vu ça pendant la pandémie. Ces techniques-là, c'est les mêmes techniques. T'avais des gens là qui appelaient la police parce que le voisin là, il avait une auto, il avait de la visite, puis c'était pendant le confinement. Oui, même technique utilisée entre autres en Europe de l'Est là, pendant les heures de gloire du communisme. C'est ça, parce que ça revient tout au même. Au fond, là, l'extrême droite, l'extrême gauche, c'est rien que des étiquettes pour noyer le poisson. C'est tout pareil. C'est tout pareil, c'est toutes les mêmes techniques. C'est juste, c'est comme de la crème glacée que tu changes la saveur, mais ça fait tout engraisser. C'est tout mauvais pour ta santé. Dans le sens que tu sois dans une dictature nationaliste d'extrême droite, que c'est des corrompus, c'est au pouvoir affilié avec du corporatisme, puis tu vas être traité comme petit citoyen qui ne rentre pas dans le moule, de la même façon que dans une dictature d'extrême gauche, que là, il y a une nationalisation totale de toutes les ressources jusqu'au citoyen lui-même. Parce que c'est les mêmes mécaniques, fait que ça aboutit au même résultat. C'est un peu comme un enfant, si tu le laisses totalement à lui-même, puis tu t'en occupes pas, ça va aboutir à peu près quasiment au même résultat que si tu le surprotèges puis tu le lâches pas. Fait que quand c'est pas ajusté, c'est les mêmes structures qui tombent, peu importe comment c'est désajusté, fait que ça finit que c'est les mêmes résultats. Fait que là, ce qu'ils veulent au fond, c'est comme le communisme, puis les communistes, puis les fascistes, là, quand on regarde là, au niveau là, du petit monde en bas, là, la base de la pyramide, là, ils saillissent, puis ils se battaient dans la rue, puis tout. Mais quand tu montes, plus les dirigeants, ils se ressemblent, ils sont pareils. Oui, ben d'ailleurs, ça me fait penser à l'étiquette de oppose, same en anglais, donc des opposés qui en réalité sont similaires. Ouais, c'est comme un alter. Ouais. Le conflit il est équilibré par deux patentes. C'est la même chose, finalement, sur une ligne de conflit. C'est comme une vieille balance qui remarche encore de temps en temps. Ça penche d'un bord ou de l'autre, mais finalement, c'est tout le temps pareil. Mais Ça fait partie de la polarisation du public, tu sais, de la population, de penser qu'il y a gauche-droite, c'est ça. Mais finalement, ça n'a rien à voir. Ça vient tout de la façon dont l'âme humaine est faite, puis que tu vas la contrôler par des lois magnétiques. C'est comme dans l'astral, tu as un haut et un bas astral. Puis après ça, sur la Terre, l'horizontale, tu as le politique, tu as le gauche-droite. Puis là, le monde, ils faisaient leur signe de croix qui allait de bas en haut, de droite à gauche, comme pour essayer d'inverser ce mécanisme, ce magnétisme-là, changer les pôles. Mais il reste, c'est comme inconscient, c'est des affaires un peu inconscientes. Mais il reste que c'est parce que l'être humain, il est spatio-temporel. Fait que là, il se situe. C'est comme une rose des vents, tu sais, ça fait une croix, puis... Mais il reste que c'est tout le temps pareil, je veux dire, il y a juste un gros rond dans le fond, puis que tu fasses une croix dedans ou pas, ça reste un enclos, puis... Même si t'es réveillé ben gros, puis t'es ben gros conscient, puis tout, si tu fais partie de la masse en tant qu'individu, il reste que t'es dans l'enclos pareil. Donc, c'est juste de ne pas se faire contrôler sur d'autres plans que ça. Comme par exemple, il n'y a personne qui peut te forcer à. Tu sais, quelqu'un de totalement programmé, il va être censuré jusque dans sa tête. Il y a des choses qu'il ne pensera même pas parce que c'est inconcevable. Mais si toi, t'es bien réveillé sur toutes tes dans ta multidimensionnalité, il n'y a personne qui va pouvoir te contrôler l'esprit, là. Mais peu importe comment que les techniques sont avancées, même il y a des cas, là, ils ont essayé des drogues, puis ça marche pas. Le détenu, ça marche pas, ça arrive. Il y en a qui ont des... En tout cas, tout ça pour dire que... Mais on est contrôlé aussi dans le sens que la pensée qui, comme disait Bernard de Montréal, vient d'ailleurs, ben on peut induire des pensées, tout simplement, là, comme on induit une programmation au sein d'une population avec des programmes de radio ou de télévision Ben oui. pour les influencer. Ben, les gens sont pas au courant de ces lois-là. Puis comme c'est des choses qui agissent dans l'ombre, c'est-à-dire en dehors de l'intégralité d'une conscience intégrale, vu que les gens le voient pas, ça marche encore plus. Mais la minute que les gens seraient instruits de ça, ils finiraient par le voir. Puis comme ça marche juste dans l'ombre, ça l'arrêterait. C'est pour ça que il y en a, tu sais, ils veulent. Mais l'affaire, c'est que oui, il va y avoir une tyrannie qui va s'instaurer, puis elle va s'instaurer de plus en plus, puis elle va être au pouvoir, puis ça va durer un temps. Moi, je n'ai pas. Ce que je sais, c'est que selon des lois naturelles, ça peut pas. Les tyrannies, ça dure pas longtemps. Parce qu'à cause de lois naturelles, notamment de la psychologie de la masse, ça n'a pas le choix de tomber à un moment donné. Fait que. Ben, T'sais, quand je il y a peux pas. des abus d'autorité trop grands, ben c'est sûr que la masse peut se révolter. Il y a eu la révolution à Ouais. Cuba avec Fidel Castro. Ben, c'est aussi que ça suit des lois naturelles. C'est-à-dire que le régime n'a pas le choix de devenir de plus en plus rouillé et incompétent. C'est comme quand tu es au pouvoir très, très, très longtemps, c'est bien plus facile de te faire tomber que si c'est récent. Ou que ça fait un âge moyen, un régime qui aurait un âge moyen, là, genre 5 ans. C'est un peu genre. Mais quand c'est pas une tyrannie, ça dure dans le temps, ça peut durer des siècles, un régime. Mais un régime vraiment autoritaire, tyrannique, ça dure pas longtemps. Ça peut pas parce que c'est une structure qui est pas ergonomique au niveau de la gestion de son énergie. C'est une structure qui perd de l'énergie, puis c'est le peuple qui perd de l'énergie. Fait qu'à un moment donné, le peuple, il va bifurquer vers autre chose pour s'alimenter en énergie, si on peut dire. Il va se trouver un autre idéal que celui que tu veux y vendre, ça passera plus. C'est là que le régime est en danger. C'est là que ça finit que ça tombe. Si le monde, à un moment donné, quand il y en a assez, t'as beau faire ce que tu veux, t'as beau arriver, là, tirer sur la foule, puis tout, ça marche pas. Ça marche plus. Il y a tout le temps un point, à un moment donné, les gens n'ont plus rien à perdre. C'est ça, comme à Haïti, quand il y a eu quand les esclaves se sont révoltés pour l'indépendance de l'île, puis tout, il y a même des gens qui sont devenus en état de transe. Il y a eu ce qu'on appelle là, il y a eu la cérémonie de bois caïman, puis toutes ces affaires-là. Puis bon, ça, il y a eu des événements, des psychodrames collectifs qui ont amplifié ça. Puis il y a du monde qui sont allés jusqu'à se mettre sur des fortifications, puis à se rentrer les bras dans les canons pour que les soldats puissent pas tirer les canons efficacement, les boulets efficacement, dans le fond, vers la population. C'est quand les gens n'ont plus rien à perdre, il va y avoir des phénomènes comme ça. C'est-à-dire que il va y avoir un changement de palier de l'énergie. Ben, c'est comme le principe que quand les gens n'ont plus peur parce qu'ils sont trop en colère, liés de la souffrance convertie en volonté, ben là, à ce moment-là, ils sont plus manipulables par la peur que voulait instaurer le régime. Ah oui. Fait que là, c'est l'énergie d'un désespoir qui devient plus que ça. Tu sais, ça peut aller vite, ça peut aller super vite. C'est pour ça que, personnellement, moi, ça m'inquiète pas autant. Tu sais, je veux dire, je le vois, là, c'est très grave, oui, puis il va avoir des méchants dommages collatéraux, puis ça va être une période de bouleversement. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre que de suivre les lois que ça a toujours suivies, puis comment ça a tout le temps été? Parce que c'est fait par du monde dégénéré pas mal, qui n'ont aucune conscience. Ça peut pas marcher longtemps, comme tous les régimes qui respectent pas les populations. Comme l'affaire, vous posséderez rien, puis vous allez être heureux. C'est pas de même que ça marche. L'être humain, il est pas comme ça. C'est bien de valeur, là, ça peut pas marcher une affaire de même. Parce que ça correspond pas aux aspirations de la majorité. Ça va contre, même c'est anti-individu, c'est anti-homme, c'est Ouais, ben anti. cette citation-là qui vient de Klaus Schwab, là, qui dirige le Forum économique mondial, c'est sûr que ça a fait couler beaucoup d'encre. Puis, en effet, c'est déconnecté de la nature humaine, je suis d'accord avec toi. Ben oui. Ils comprennent bien, bien mal, au fond. Parce qu'eux autres, justement, sont déconnectés. Ils voient le monde comme du bétail. Ils sont tous des imbéciles, le monde, à leurs yeux. Quand tu es comme ça, tu es un imbécile, puis tu t'en rends pas compte. Ça fait que là, tu fabules. Fait que là, ils se sont fabulés une affaire. En plus, ça fait longtemps là, qu'ils sont partis. Puis Klaus Schwab, il a son habit un peu comme dans Star Trek. Je sais pas si t'as vu son costume noir, là. Ouais, mais Il fait penser à un grand prêtre. ça, c'est des vêtements d'université en Suisse honorifiques. Quand tu reçois un doctorat honorifique, des choses comme ça, tu mets un habit de cérémonie. OK. Fait que probablement qu'il était quelque part puis faire un discours ou bien qu'il est retourné à une place où qu'il était étudiant il y a longtemps ou il a reçu un doctorat honorifique, quelque chose, puis ils ont mis la toge de la place. Tu sais, des fois, tu as un chapeau et tout, là, ils te mettent un mortier ou tu as un petit casque là, dans ça. Je pense que dans certaines places en Europe, ils te mettent un. Ça a l'air d'un petit chapeau. Oui, je sais quoi tu parles, là. Ouais. Ouais. Fait que. Ouais, c'est pas tout des mortiers, là. Tu sais, une affaire avec un carré puis un gland de rideau qui pend, là. Il y en a que c'est des petits casques différents, mais. Oh, ils en ont plein d'habits de même en Europe, là. Il y a des universités qui sont vieilles, là. C'est vraiment ancien, là, comme. En tout cas, les Européens, ils aiment bien ça, les carnavals. Là, mais c'est pas. Il y en a, ils disaient, oh, c'est un malade, il est dans une espèce de secte, puis c'est un méchant, genre comme James Bond. Mais non, c'est parce que ça va pas jusque-là. C'est à cause d'un être cure d'une institution quelconque. L'affaire, c'est que le mal, c'est banal, ça. Je parle le vrai mal, là. Pas le mal au sens théologique ou moral comme les gens l'entendent, mais en tant que force, des forces de bouleversement. Le mal, c'est banal. C'est pour ça que Klaus Schwab, un habit cravate, c'est bien normal. Il n'y a pas besoin de se déguiser en méchant de film pour être maléfique. C'est banal, c'est la banalité. Le fait qu'il est vide, il est fade, il a l'air plate à mort, ce bonhomme-là. Mais il y a de la constance et de la persévérance parce que le gars, il a passé 80 ans, puis ça fait, je pense, au-dessus de 50 ans qu'il y a avec le Forum économique mondial. Tu sais, Ben, il check a. George Soros, il y a quasiment. Il doit avoir 90 ans passé. Ben, tu sais, c'est des personnes très mécaniques. En tout cas, c'est difficile à décrire, mais du monde, ils n'ont pas beaucoup de tension, là. Je veux dire. sont capables de faire des choses avec des conséquences épouvantables, puis ils n'auront pas le stress qui fatigue le cœur comme d'autres. Puis aussi le fait qu'ils ont accès à des choses possiblement pour se maintenir en santé, puis tout. Mais il reste que c'est d'un point de vue clinique, à mes yeux, je suis pas mal sûr qu'on a affaire à des psychopathes, là, dans le sens que, tu sais, veux pas, ça ressemble à ça, là. C'est un peu comme. Puis contrairement à d'autres, je pense pas qu'on. Même si c'est quelque chose. Parce que la psychopathie, c'est pas de maladie mentale. C'est vraiment. Ça a l'air lié, entre autres, à la génétique. Puis il y a certains, même au niveau physiologique, il y a des choses que tu peux voir, comme par exemple, si tu checkes au niveau statistique, les psychopathes, là, confirmés, là, ils ont la peau des mains un petit peu plus froide. Des choses comme ça. Fait que possiblement, moi je pense au contraire qu'il peut y avoir, tu peux devenir un psychopathe. Puis qu'après, ça va avoir une influence au niveau vibratoire sur le système vasculaire, puis tout. Que tu peux créer des psychopathes, je suis pas mal sûr, par le milieu. Au niveau de Oui, mais là, tu l'acquis. parlais de déterminisme génétique. Bon, je pense qu'ils sont ajustés à ce qu'ils font. OK, mais si on le prend au En niveau de grande l'inné partie. puis de l'acquis, parce qu'il y a des gens qui vont dire, bon, la personne a une psychologie qui est essentiellement là, le résultat de sa programmation puis ses antécédents génétiques par rapport à ses ancêtres. Puis il y en a d'autres au niveau de l'acquis, ben c'est plus l'influence justement du milieu, de l'environnement là, dans lequel ils baignent. Ouais, puis j'ai l'impression que si l'acquis puis le milieu est ben appuie sur certains leviers, l'inné a plus d'importance, tu vas être capable de fabriquer des gens qui vont être programmés pour des tâches comme ça. Notamment là, ce qu'on a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a du monde ils sont devenus complètement psychopathes, puis je pense pas qu'ils l'étaient à la base, je pense que c'est le contexte social qui les a conditionnés à le devenir. Fait que c'est ces forces-là là, que j'identifie comme le mal, parce que ça vient pas des individus. C'est vraiment des forces qui sont liées à de la subjectivité en dehors d'une vraie conscience individuelle. Donc, tu sais, c'est sûr qu'ils vivent longtemps, mais c'est de voir qu'ils sont comme conditionnés à les tâches qu'ils ont à faire. De toute façon, comme je te dis, au niveau, ils ont peut-être accès et tout à des médicaments qu'on n'a pas accès. C'est sûr aussi, ils mangent moins de choses transformées. Mais pourtant, ils deviennent horribles physiquement. Tu sais, ça, c'est l'action de ces forces-là, entre autres, là. Il doit avoir et tout une certaine génétique à la base, là, ça se peut pas, là. Comme Klaus Schwab, là, il a tellement l'air C'est incroyable. On dirait une réminiscence du passé. En tout cas, c'est comme un atavisme incarné, ça. Il a l'air d'un bonhomme de la Gestapo, là. Tu sais, c'en est surprenant. Même juste, je l'écoutais parler, là, en anglais, là. C'en est juste plus ridicule, plus pathétique. Il a l'air d'une caricature. On dirait, j'ai l'air d'un bonhomme sorti d'un film. Il manquait qu'à un uniforme, puis c'est vraiment spécial. Puis même lui, il représente le summum de tout ça. C'est comme l'ultime résultat de tout ça, parce que c'est la finance. La finance idéologisée au service d'une doctrine totalitaire. Puis caricaturé dans un bonhomme qu'un scénariste n'aurait pas pu l'inventer. Il est tellement horrible, je veux dire, en tout cas, tu sais, il a vraiment l'air de. Ça se peut pas avoir une baboune de même. Il se voit et puis il s'aime. Même s'il est là, ça fait partie de l'affaire, ça fait partie de sa patente. C'est un être extraordinaire. Il nous est supérieur en tout point. C'est ça, lui, sa perception. Ben moi, j'ai C'est l'impression que juste. lui, il pense sincèrement qu'il fait le bien pour Ah l'humanité, puis oui, que ben oui. son plan de l'agenda 2030, c'est la seule porte de sortie, parce que sans ça, l'humanité, tel un bateau sans gouvernail, il s'en va vers la déchéance puis le Ben déclin. oui, je dis pas le contraire. Le mal est tout le temps bien intentionné. Il se justifie par ses intentions. C'est comme Himmler, il était bien intentionné. Il pensait sincèrement qu'il accomplissait l'œuvre la plus bénéfique. Puis la plus brillante qu'il n'y avait pas. C'est tout le temps comme ça. De la même façon, certains scientifiques qui ont fait des expériences abominables étaient persuadés qu'ils contribuaient à l'avancement de la science, même si ça apportait rien. Finalement, c'est tout le temps comme ça. Le vrai mal, il est banal. Il est bien intentionné. Il se pense investi d'une mission. Il se pense extraordinaire. Il se pense bien. Tu sais, c'est comme des. Quand j'étais enfant, une des pires insultes qu'on pouvait se dire dans la cour d'école, c'est tu te penses bon. Ça veut dire t'es un imbécile heureux. Mais le mal, c'est ça, c'est quelque chose qui se pense bon. Le bien, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bien. Le mal, c'est quelque chose qui se pense bon, qui se pense bien. C'est de la subjectivité, c'est c'est ça. C'est une déformation de l'intelligence. Mais ça finit par en faire partie pareil parce que tout sert finalement à une harmonie. C'est juste, c'est-tu à court terme ou à long terme? On dirait que le mal est actif et agit à court terme. Le bien est passif, mais il gagne tout le temps à long terme. Parce qu'il y a des Exactement. lois de. D'équilibre. Ben, comme Ben oui. le formulaire, le philosophe jovialiste André Moreau, il disait, le mal est le fumier dont a besoin le bien pour donner le mieux. Ouais, c'est un peu comme les bouddhistes croient pas au mal, mais tu as Maya, là, mais ça fait partie des lois qui font que les âmes s'élèvent. Mais ça, c'est le côté un petit peu spirituel, philosophique, là. Mais dans les faits, tu sais, je veux dire, on voit qu'il y a des forces. Je veux dire, c'est comment pas les voir, mais pas non plus totalement. Mettre ça parce que dans le fond, c'est ce monde-là, sont victimes eux-mêmes. Tu sais, c'est comme quand il y a un régime qui tombe, puis là, il y a des gros procès, puis tout le monde passe au cash, tout le monde se fait exécuter. Ces gens-là sont pas juste les véhicules de la subjectivité de force d'inconscience qui viennent dynamiser le contexte, ils sont aussi les victimes de ça. Ben, si on pense à Adolf Hitler qui croyait mettre en place un Reich de 1000 ans. Puis il croyait tellement fortement qu'il n'a pas vu venir la chute de l'Allemagne nazie. Ben, Fait que là, c'est lui qui a été pris au piège ben, là-dedans. il n'est pas vu venir. L'affaire, c'est quand ce que tu crois déforme ce que tu vois. C'est ça, la saleté, c'est de la subjectivité, parce que Parce que finalement, dans les bon. derniers temps, il était tellement sûr de gagner qu'il avait mobilisé toute une force armée pour participer à un film. Au lieu de Ben combattre. oui. Ben, bon, on voit des comme ça des décisions incohérentes, mais ça, c'est typique de la fin d'un régime de même. C'est pour ça que je te dis, c'est des lois naturelles. Comme, oui, il va y avoir un gouvernement mondial qui va être une tyrannie sans précédent, mais ça va pas être au pouvoir pendant longtemps, là. Ça peut pas durer longtemps, des choses comme ça. Mais l'affaire, c'est, là, étant donné que de la façon que ça a été fait, on ne peut pas tout à fait l'empêcher. Il va falloir au moins se préparer à l'endurer le temps que ça dure. Mais c'est juste le fait de savoir que ça ne va pas durer éternellement, c'est déjà bien. Mais là, quand on souffre, le temps a l'air plus long. Ben, c'est là que Mais. j'allais en venir, là. C'est-à-dire qu'une dimension subjective à la perception du temps, à la douleur, c'est bien beau de dire à l'ego contient le temps, mais c'est pas. Ben de toute façon, il va sûrement avoir des imprévus. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. Puis là, ça commence. C'est supposé être le plus intense à partir de 2023 jusqu'à 2030. Fin 2023 jusqu'à 2030. Mais Là, ça, c'est ça va être selon qui, possible. ça? Selon un paquet de conjonctures puis de monde, ben même si tu regardes le Davos, là. Oui, ben eux autres, c'est Leur l'agenda agenda. 2030. C'est comme d'ici Ouais. Mais 2030. c'est les dernières années les plus intenses, là. De mise en place de ci pis de ça. Puis même, t'as le prince Charles, là, qui en a profité pour parler un petit peu. Puis lui-même, il a embarqué là-dessus pas mal, là. Puis tu vois que c'est tout. Bon, du coup, là. Il y a du monde qui ont perdu à la guerre. Fait que c'est pas eux autres qui vont réaliser ça. Puis là, finalement, c'est les alliés qu'on pensait être bons, mais finalement, on le sait pas, mais il n'y a personne de bon qui vont le réaliser. Mais là, le texte, ça, tu sais, c'est comme les vraies forces dans l'ombre. Au fond, ils savaient, eux autres, bon, ça veut dire que les vraies forces dans l'ombre, ils savent que ça ne marchera pas longtemps. Ça veut dire que tout ça va servir à d'autres choses qui viennent Exactement. après. Mais ces forces-là retardataires, qu'on va appeler les forces astrales, peuvent justement infiltrer autant les nazis que les Américains ou les Russes, là. C'est tout pareil de toute façon. C'est tout pareil. Mais c'est juste que, bon, peut-être que finalement, on va se ramasser avec un contexte où ça va être moins possible dans l'avenir. Mais là, il va falloir passer à travers la dernière décennie avant. Mais il reste là que là, on va peut-être l'avoir à la pipe pour 1000 ans, là. Mais peut-être qu'on va être mort. Je sais pas, moi. Tu sais, l'important, là, c'est sûrement pas ce qu'on pense. En tout cas, c'est pas ce qu'on réfléchit. Non. Puis, si on le sait à mesure, mais là, comme c'est là, c'est comme tantôt j'ai parlé, ah oui, le système vasculaire, puis le sang, puis le côté magnétique, puis le rapport avec le planétaire, puis le tellurique, puis tout ça. Ça, c'est des choses que je ne savais pas il y a 2 mois. OK. Fait que c'est des affaires que j'apprends à mesure. Mais ça, j'aurais pas pu le parler il y a quelques mois. Je l'entrevoyais, mais j'aurais pas été capable de le parler. C'est des affaires qui arrivent. C'est dernièrement, il est arrivé de quoi? Il y avait une femme, elle avait une veste avec de, tu sais, genre Harley Davidson, là. Puis dessus, il y avait un crâne avec des fleurs autour. Puis là, j'ai demandé intérieurement, je le regardais aller, j'ai demandé intérieurement, j'ai dit, veux-tu bien me dire pourquoi elle trouve ça beau? Puis là, ça part. Les lois magnétiques. Puis là, ça n'arrêtait pas de me montrer quelque chose, puis d'autres choses, puis d'autres choses. Puis là, finalement, ça, je l'ai retenu, tu sais, tellement ça a été intense, là, ça allait vite. Mais c'est des affaires, c'est comme, même par rapport à ce qui se passe en ce moment, il y a des choses que je ne voyais pas il y a quelques mois, mais c'est à mesure, je le vois à mesure. Mais même là, il y a des choses à part après, je me rends compte, oui, c'était ça, mais c'était pas, je recorrige après parce que c'était pas précis. Mais c'est pareil, là, tout ce qui s'en vient, moi, j'ai jamais changé d'idée. Dans le sens, pas dans le sens comme si je m'entêtais sur une position, mais dans le sens que j'ai aucun élément qui va pas dans les mêmes directions qu'avant. C'est juste que, bon, ça devient plus clair de, à mesure qu'on avance. Mais c'est comme à un moment donné, j'avais dessiné, t'sais, j'avais écrit en grec là, une lettre pour un variant que j'avais. Mais je reviens pas sur ce que j'ai dit. Je suis encore sûr que ça va finir par arriver. C'est comme quand j'avais dit on va finir par être confiné après le souper. Puis je suis sûr que ça va finir par arriver pareil. C'est juste le délai. Moi, j'ai C'est dans le l'impression que temps. tant que le gouvernement ne sera pas réélu d'ici le 3 octobre 2022 au Québec, là, on nous donne du lousse. Donc, c'est C'est comme un ça. repli stratégique. Puis après ça, possibilité de retour avec des mesures encore plus draconiennes, plus drastiques que celles qu'on a connues depuis le début de 2020. Ben oui. Puis peut-être qu'on va en voir encore. C'est ça. Moi, ce que Mais ça va j'observe être comme y donner présentement, une là, carte blanche. c'est ça, mais moi, ce que j'observe présentement, c'est l'expérimentation sociale qui court à Shanghai, en Chine. Parce qu'eux autres, avec la politique du virus zéro qu'on parle depuis 2020, ils ont mis en place des mesures que ça ferait froid dans le dos, là, dans le sens que t'empêches les gens de circuler sur la rue. Ensuite, les enfants. Si un enfant teste positif par rapport au virus, il se fait enlever de la famille pour être amené dans une unité de quarantaine. Donc, il y a plusieurs mois, moi, ce que j'anticipais, c'est que ce type de mesures-là pourrait avoir lieu dans des pays qui ont des solides traditions démocratiques. Laisse-moi rire en trois tombes, comme le Canada, la Belgique, la Suisse. Bon, ça s'est pas arrivé, les camps de détention liés au virus ici, Ben, mais si ça ils se... ont déjà préparé les lois un peu. Ben, oui. Okay, ça, on voit qu'ils préparent la possibilité de le faire. L'affaire, c'est parce qu'en Chine, eux autres, la ressource humaine est déjà nationalisée. Ton enfant, il appartient déjà à l'État de toute façon. C'est ça, mais ils n'ont pas eu à Tandis mettre à qu'ici, terre la loi de la primauté du parental, là, comme au Québec, c'est là, ça. pour préparer le terrain. Mais Ben, moi, ils font ça tranquillement. exact, mais moi, je pense que d'être attentif à ce qui se passe présentement à Shanghai en termes d'expérimentation sociale, de mesures très strictes depuis 2 mois de contrôle. D'ailleurs, il y a un très beau témoignage qu'a livré une dame qui a été interviewée là, par Dan Pilon. Là, je partagerai le lien là, en bas de la vidéo là, par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle a vécu à Shanghai là, en lien avec les mesures? Là, parce qu'il faut qu'elle présente le code. En fait, ce qu'elle expliquait, c'est que le code QR a été mis en place dans le coin le fin mars, début avril 2020, mais depuis ce temps-là, il est toujours en place. Puis si le code QR est rouge, tu n'as pas le droit, par exemple, de prendre l'avion ou même de changer de section du quartier. Il faut tout le temps qu'il soit vert et Ben, tu présentes tout le temps ton téléphone partout. tu sais, c'est assez spécial. Ben là, gars, là, t'as Éric Kerr, tout l'argent qu'ils ont mis là-dedans. Par rapport à la Ben, c'est sûr que ça va cybersécurité. revenir. Ben Ouais, oui, c'est ben, ça. toutes les affaires qui ont enlevé le passeport vaccinal, puis tout, c'est loin d'être parti, dans le sens, c'est juste en stand-by, là. C'est juste ça. Ben oui, puis il travaille à l'implantation d'identité numérique, puis justement de la reconnaissance pour que les gens aient accès à ça, ouais. Hey, on a, puis ça a tout le temps été de même, là, mais on a vraiment des gens, des hommes de peur là, qui, c'est pas pour rien, ils sont tous liés à des corporations, c'est une gang de lobbyistes pas déclarés, puis d'arrivistes. Ça change de parti selon les intérêts, puis c'est là que tu le vois, ça n'a rien à voir avec les convictions. Puis là, t'as Jean-François Lisée qui s'en va comme commentateur à la TV, puis en arrière de lui, il y a les portraits de Martin Luther King. Puis tu sais, je veux dire, c'est des gangs d'hypocrites. C'est de l'hypocrisie tout le temps, c'est tannant. Mais là, l'affaire, c'est qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme. Tout ça, là, toute cette mascarade-là, dans le fond, le monde, ils vont tout le temps embarquer, ils vont tout le temps. C'est parce qu'ils souffrent pas assez. Puis là, à mesure qu'ils souffrent, ça les fait. Ils ont encore plus peur, sont encore plus dans le, comment je pourrais dire ça, dans la panique, ils sont encore plus faciles À manipuler. à manipuler. Fait que, finalement, tant que. T'sais, c'est pour ça que moi, je crois pas là, à la sortie de ça par ce qu'on a vu là, publiquement. Bon, en tout cas, t'sais, des marches, puis c'est pas ça qui va. Je suis persuadé que c'est pas comme ça que ça va se régler. Bon, en tout cas, il va falloir que je te laisse. Il va falloir que j'aille manger. Non, c'est bien correct. Donc, c'est ce qui va compléter cette conversation d'aujourd'hui, en ce 6 juin 2022 avec Berthold. Écoute, je te remercie pour le temps que tu as consacré à cet entretien. Et pour les gens qui veulent t'entendre davantage, eh bien, je vous rappelle que Berthold a une chaîne de diffusion web là, sur YouTube. Et que les gens qui apprécient aussi les enregistrements que je rends disponibles, dont les nombreuses vidéos que j'ai faites avec lui pendant presque 5 ans, le temps passe. Donc, vous allez pouvoir les retrouver là, sur ma chaîne YouTube et que les gens qui apprécient en général les contenus que je diffuse, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont PayPal également à Interac. D'avoir les informations à ce sujet-là en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, c'est ce qui va te terminer. Sinon, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Ben non. Bon, ben, excellent. Fait qu'écoutez, les gens, bien, moi, ce que je vous dis à tout le monde, bien, à bientôt, puis continuez à rester lucides par rapport aux événements qui se déroulent présentement sur Terre. Bye bye. Bye.